les dames. J'en ai marre d'être essoufflé. Je me suis trop fait casser les pattes sans récolter de trophées. Avant j'avais trop faim mais j'ai perdu l'appétit. Depuis que j'ai bouffé des kilos de feinte et de mépris. Maintenant c'est l'argent, la famille et les collègues. Je perds plus mon temps chez les collectionneuses de Rolex. Enfoiré, il faut l'être, c'est comme ça qu'on s'en sort. Si le cœur est une boîte aux lettres, je vais y porter des mensonges. Faut faire en sorte d'avoir les paroles qui endorment. Car le prince et les rêves, elles y croient encore. Bercées par les contes de fées, leurs histoires magiques. En grandissant, elles en deviennent nostalgiques. Certaines y croient encore et font souffrir les hommes en exigeant d'être comparées à un trésor. Pendant que d'autres visent le rapport de force en exploitant pas le fruit mais juste son écorce. Tu donnes de l'amour mais il crache sur ton cœur. Leurs paroles de velours t'envoient dans un cercueil. Mais n'aie pas peur, les larmes se cachent et la peine se meurt. Mais persuadé que dans le futur il ne fera pas que passer. En attendant son passage et tous ses mots doux, je récolte tous ses cadavres et joue le vautour. Car chaque jour, chaque soirée, tout le mal qu'il a infligé me permet de conquérir des âmes blessées. Tous les bouts de femmes laissés par ce sentiment, le temps d'un instant, je conjure leur châtiment. Pas expert en bâtiment, je vais pas reconstruire leur vie, mais simplement donner le sourire comme un film d'Eddie Murphy. Sur la pluie, je compte surfer en étant leur soleil jusqu'au moment où la beauté du jour se révèle. Charmeur, du regard jusqu'au coin des lèvres. Pourtant dans ma classe je suis un mauvais élève. Mes mots sont des roses avec des épines. Autrement dit, je ne séduis qu'avec ma rétine. Et paraît-il qu'un jour Cupidon viendra et qu'il me sourira. Pour le moment j'avance et comme on dit, qui vivra verra. L'amour n'est qu'un mirage, plus le temps passe plus il s'efface. L'amour n'est qu'un mirage, plus le temps passe, plus t'as la rage. Tu donnes de l'amour, mais il crache sur ton cœur. Leurs paroles de velours t'envoient dans un cercueil. Mais n'aie pas peur, mais n'aie pas peur. Les larmes se cachent et la peine se meurt. Les promesses envolées ne sont plus que des détails. S'il te blesse, y'a pas le choix. Il faut que tu t'en ailles malgré le mal. Faut leur montrer que ça t'atteint pas. Tu donnes de l'amour, mais il crache sur ton cœur. Qui brille sans la lumière du jour. Parce que j'ai eu l'amour coulant sur les joues. Je fais partie de ceux dont les relations échouent.